Exercice 6, page 76. A. Il aime ses artistes. B. Il jette ses poteries. C. Il laisse ses myrtilles. D. Elle déteste cette lampe. E. Elle réserve cette chambre. F. Elle héberge cette tente.